sauvage. Mais vous n'avez du lion que le soyeux pelage. Et vos crocs acérés de jeunes prédateurs nous inspirent le rire plutôt que la frayeur. Si vous n'avez pas peur, entrez donc dans ma cage et laissez mon ardeur dévorer vos plumages. Rentrez vos griffes, on vous voit comme un chien savant pour le bolinge, faire de grands numéros dignes d'un petit singe. Vos proies ne sont en fait que femmes qui roucoulent et vos festins nocturnes se résument à des poules. Et les sieurs disent: c'est pour vous mesdames que l'on bavale, vous ne cédez qu'au roi de la savane. C'est comme si, c'est comme ça, les demoiselles répondent. C'est pour vous messieurs que l'on se palme, on piège les rois avec nos charmes. C'est comme si, paradez, monsieur, exhibant vos conquêtes. Votre belle crinière n'est au fond qu'une crête du prince de la jungle. Vous singez les grands airs quand du corps prétentieux vous avez les manières. Et pourquoi cette aigreur pour les autres poissons si vous n'avez pas peur de mordre à l'hameçon? Rentrez votre dard, mon gros ventard. De vos griffes de chat, sachez que l'on sourit. Vaut mieux les mollement qu'en rugit votre envie. Les oiseaux de valeur vous échappent sans cesse et vous vous contentez des plus basses espèces. C'est comme ça. Et c'est vraiment dommage.